Bonjour et bienvenue à cette émission centrée sur la science-fiction, le fantastique et la fantasy. Christian Martin au microphone. On nous informait récemment de la sortie de deux nouveautés dans la collection Micro-Nouvelles chez Outworld. Deux auteurs hispaniques. Un espagnol, Santiago Ximeno, avec Lambeau de ténèbres, et un mexicain, José Luis Zárate, avec Petit Chaperon. Pour plus de détails, consultez le www.unebd.com. Nous recevions également la newsletter des Mondes étranges, dans laquelle on nous parlait de Dédale vers l'Empyrée de Cédric Desault, de cinéma et de la série en BD de Godard et Rivera, de Vagabond des Limbes. Vous trouverez tous les articles à www.mondesetranges.fr. Aujourd'hui, nous recevons André-François Ruault, auteur et éditeur, qui se confie à Julien Bétan, directeur littéraire aux Moutons électriques. André-François Ruault, bonjour. Vous êtes auteur et éditeur, responsable de la maison d'édition lyonnaise Les Moutons électriques. Nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour la sortie de Petit Chef, tome 1, sous-titré 10 enquêtes au sein de l'Empire anglo-russe, un livre qui est auto-édité. Alors, première question, pourquoi ne pas avoir sorti ce recueil de nouvelles dans votre propre maison d'édition, Les Moutons électriques? Parce qu'il est délicat de s'auto-éditer lorsqu'on est soi-même éditeur en fiction. Il est très très difficile de se juger soi-même en matière de fiction. On peut s'auto-publier pour des essais parce qu'on peut se juger en tant qu'essayiste, et puis on travaille souvent en collectif pour les essais. Pour la fiction, c'est quand même très très personnel, et en plus, c'est pas très très bien vu de s'auto-éditer. Donc, et puis ça serait quand même un peu outrancier, très outrecuidant, très vaniteux que de placer mon propre ouvrage dans ma propre collection, au sein des ouvrages des autres auteurs, en me mettant au même niveau, quoi. Ça serait vraiment très vaniteux, et ça ne se fait guère. Il y a quelques grands éditeurs qui se permettent ça, mais c'est pas très correct de leur part, c'est pas très éthique de leur part. Donc c'est un bouquin, un recueil de nouvelles, de Nietzsche, que j'ai proposé à d'autres éditeurs, auparavant. Et puis j'ai pas trouvé d'éditeur. J'avais quand même envie que ces nouvelles existent un petit peu. Donc j'ai fait un petit tirage de luxe que j'ai vraiment payé de ma poche, sans label, vraiment juste en tant qu'auteur. Alors je le disais, cet ouvrage est sous-titré 10 enquêtes au sein de l'Empire anglo-russe. Alors parlez-nous un peu de cet empire. Ben, en fait, c'est un recueil de nouvelles d'Uchronie. L'Uchronie, c'est-à-dire une histoire alternative. Qu'est-ce qui serait passé si telle ou telle chose avait été différente. Là, en l'occurrence, c'est des nouvelles que j'ai commencées il y a très très longtemps. La première était parue dans l'anthologie Escale sur l'horizon, de Serge Lehmann. Et c'est des enquêtes policières qui se passent dans un monde où la reine Victoria ne s'est pas mariée avec le prince Albert, donc un prince belge, mais où elle a épousé le tsar de toutes les Russies, tsar qui n'est pas Nicolas, mais son frère Constantin, parce que lorsqu'il y a eu la révolution à l'origine, parce que Alexandre Ier s'est fait assassiner, le tsar, il était prévu que ça soit Constantin, son fils aîné, qui prenne le pouvoir, et puis Constantin a abdiqué en faveur de son frère cadet Nicolas, pendant que Nicolas lui-même abdiquait en faveur de son frère aîné, Constantin. Voilà, donc personne ne savait qui de Constantin et Nicolas allait prendre le trône, et puis finalement c'est Nicolas qui est devenu le tsar, dans notre histoire à nous. Donc moi, dans mon histoire uchronique, j'ai imaginé que c'était Constantin qui avait accepté le trône, et qu'il avait épousé, qui plus est, une jeune princesse anglaise, la future reine Victoria, et donc dans cet univers-là, dans ce qui est l'équivalent de notre époque, eh bien le monde est essentiellement dominé par cet empire anglo-russe, un empire de toutes les Russies sur lequel le soleil se couche réellement jamais, puisqu'il a des colonies partout, qui conserve encore l'Alaska, la Californie, le Canada, qu'il occupe le Japon. Voilà, il est vraiment, il y a un immense empire qui domine le monde. Alors, dans cet immense empire, dans ce cadre science-fictif, Yann Marcus Bodichev mène des enquêtes qui sont, elles, plutôt policières. Oui, parce que un cadre uchronique, ça fait pas une narration. C'est seulement un décor. Moi, ce que j'avais envie de raconter, c'était de faire du roman policier, raconter des nouvelles policières, des enquêtes. À l'origine, la première nouvelle, celle qui est parue dans Escale sur l'horizon, c'est la seule qui est parue en France. Il y en a une autre qui est parue au Canada, et puis c'est tout. Là, le recueil fait 10 nouvelles, il y a 8 inédits. Donc la première nouvelle, j'avais été influencé, je m'étais amusé à écrire une enquête qui était influencée par Chapeau moulant et bottes de cuir, donc une ambiance très british et assez amusante. Et puis j'avais été influencé par une image qui m'avait un peu frappé dans un des volumes des Futurs Mystères de Paris de Roland Wagner, je ne sais plus quel volume c'était, le troisième je crois, où il y a brièvement, il y a un majordome robot, et j'avais adoré cette image. Et donc dans cette première nouvelle publiée, il y avait notamment un majordome robot à un moment. Et puis après, ben, j'ai eu envie de continuer à explorer cet univers où je me sentais très très très bien. Et puis en fait, ça a évolué un peu. Et comme roman policier, ce qui m'a vraiment influencé, c'est la manière de faire de Simenon, ce que certains appellent le roman gris, c'est-à-dire un roman assez réaliste, du polar, mais assez réaliste, assez doux et avec malgré tout une vraie enquête policière, donc pas comme dans le roman noir. Et puis j'aime beaucoup certains auteurs policiers du Nord, de l'Europe, des Pays-Bas en particulier, comme Nicolas Frieling par exemple. C'est un auteur des années 70, Nicolas Frieling, qui a un petit peu oublié, qui était chez 10-18 pendant un temps. Voilà, il y a eu une école policière à la Simenon, plutôt dans le nord de l'Europe, et j'aime beaucoup beaucoup cette façon de faire. Donc voilà, donc c'est les nouvelles de Bodichev, c'est un mélange de ce type de polar, le roman gris, et puis avec des éléments de science-fiction, une liane tueuse par exemple, ou une cité utopique à San Francisco, un météore, enfin, il y a des éléments de science-fiction, et le tout donc dans un univers différent, légèrement différent du nôtre, parce que ça se passe à Londres essentiellement. Il y a plusieurs villes qui sont visitées, mais le détective privé Bodichev, lui, habite à Londres, et il y a une ambiance assez british, mais perturbée par des influences russes, une forte présence du bouddhisme, enfin plein d'éléments différents historiquement. Je crois que vous êtes également passionné d'urbanisme et d'architecture, et que c'est une dimension qu'on retrouve dans les descriptions et les décors de ce recueil. Oui, j'ai voulu... c'est vraiment des nouvelles que j'ai écrites pour me faire plaisir. C'est vraisemblablement pour ça d'ailleurs que j'ai pas trouvé d'éditeur, parce que tout le monde m'a dit « Ah, mais c'est soit trop littéraire, soit c'est pas assez SF, soit c'est trop polar, ou les trois à la fois. » Je pense que c'était trop personnel, peut-être, c'est sans doute pas du tout commercial. Et oui, j'aime beaucoup l'architecture, l'urbanisme, c'est pour ça, et puis les voyages, c'est pour ça que dans ce recueil, il y a beaucoup Londres, mais il y a aussi San Francisco, il y a Amsterdam, il y a Bordeaux... on passe d'endroit en endroit, et la dernière nouvelle, celle qui se passe à San Francisco, qui dans cet univers s'appelle Saint-Francisbourg, est vraiment basée sur l'architecture, enfin sur l'urbanisme, elle s'appelle La forme d'une ville. Pourriez-vous nous parler un petit peu plus de cet enquêteur récurrent, Yann Marcus Bodichev, qui mène l'enquête dans une nouvelle? Ah, je l'ai créé petit à petit, Yann Marcus Bodichev, il a la cinquantaine en général. Bon, là c'est des enquêtes qu'il raconte lui-même et qui se passent sur un peu toute sa carrière. mais on le découvre quand même déjà dans la quarantaine, et puis jusqu'aux 60 ans à peu près. Il est très corpulent. C'est un geek d'informatique. Donc, il vit en grande partie, non pas de ses enquêtes, mais de brevets informatiques qu'il dépose. Son père s'est suicidé dans un scandale financier. Son frère est plus ou moins gentleman cambrioleur. On le voit dans une des nouvelles. Et puis, bah, petit à petit, son affaire de détective privé va se développer. Il va devenir suffisamment célèbre pour avoir des contacts un peu partout et donc se mettre à travailler même pour la France, alors que dans cet univers, la France est soviétique. Et puis il va aller jusqu'à San Francisco, et puis à mener une enquête aussi pour le gouvernement d'Amsterdam. Et puis il va avoir un acolyte, une secrétaire. Enfin voilà, on voit petit à petit sa carrière se développer. Et puis bah, ma foi, si ce premier tome de Body de Chef, donc que j'ai auto-édité en version un peu luxe, comme un hardcover américain. Donc c'est un cartonné sous toile, avec toile grise, sous jaquette couleur, avec un beau papier ivoire. Si jamais ce premier recueil marche, ben j'espère, ma foi, peut-être pouvoir en publier d'autres, parce que j'ai commencé énormément. Là, il y a 10 nouvelles qui sont publiées, mais j'en ai commencé une douzaine. Il y en a déjà deux qui sont déjà écrites, il y en a une dizaine qui sont commencées. Voilà, j'aimerais bien avoir l'occasion de peut-être continuer à explorer cet univers qui me tient vraiment à cœur, qui m'est vraiment personnel. André-François Ruault, merci de cet entretien. Je rappelle que votre livre est disponible uniquement sur le site des Moutons Électriques. Il peut être commandé en ligne. Hein. Je donne l'adresse www.moutons-électriques.fr. Bien, merci. Et voilà. Merci, messieurs. Je rappelle une fois de plus l'adresse où vous procurez le livre d'André-François Ruault, www.mouton au pluriel, trait d'union, électrique au pluriel, point fr. Merci de votre attention. À bientôt.